je vous jure que j'en ai marre de tout ça. C'est bon, je crois, je vais y arriver. J'ai quelques petits problèmes. Surveiller les images, contrôler les radios. Nous allons les prendre pour des idiots qui se comportent comme des moutons. Que nous soyons à l'aise pour jouer le rôle des matons. Je me demande si je ne suis pas décalé. Avec le synthé, c'est mieux pour se caler. Surveiller les images, contrôler les radios. Nous allons les prendre pour des idiots qui se comportent comme des moutons. Que nous soyons à l'aise pour jouer le rôle des matons qui viennent nous demander pardon. Nous garderons les rênes, nous contrôlons l'information. Et pour durer en politique, chers collaborateurs, n'oubliez jamais qu'avant tout, il faut leur faire peur. Placer des bombes, si elle a pour effrayer la foule. Et nous verrons qui est là pour éloigner la foule. Nous chasserons les barbares et les fous qui ne croient pas que la démocratie capitaliste est une fin en soi. Nous voulons un monde meilleur, décrocher les wagons pour ne garder que les meilleurs. Et si vous n'en êtes pas, allez voir ailleurs. Comptez sur vos écrans pour vous le rappeler d'ailleurs. De grands chercheurs avérés, et ne nous prenez pas non plus pour les derniers des TV. Nous sommes convaincus que tout reste à prouver. Si l'équilibre existe, nous allons le trouver. Vous, mais vous devez compter avec nous. Car à nous prendre pour des fous, vous allez briser vos genoux. À chacun sa conception des choses. La mienne est si différente de la vôtre que je crois que tout nous oppose. Ce n'est pas la haine, je l'assure, ni la revanche qui nous anime. Mais à vos phrases de grand public, j'oppose une misère anonyme. Et qu'en étant ce monde par dizaines sur les quais de la capitale, pensez-vous que ces hommes aimeraient changer de littoral? Et quand ils dorment dans les cartons, pensez-vous que c'est une femme qui joue à cache-cache, que leur maison est en face? Non, non, ce n'est pas une farce. yeah. Oh oh oh oh, ok la basse. Allez Karma, allez Karma. Allez, le bassiste, comment? Thank you.